Le vieillard entra. Victorin examina d'un œil défiant ce soi-disant ermite en pèlerinage et vit un superbe modèle de ces moines napolitains dont les robes sont sœurs des guenilles du Lazzarone, dont les sandales sont des haillons du cuir, comme le moine est lui-même un haillon humain. C'était une vérité si complète que, tout en gardant sa défiance, l'avocat se gourmanda d'avoir cru au sortilège de Madame Nourrisson. « Que me demandez-vous ? Ce que vous croyez devoir me donner ?» Victorin prit 100 sous à une pile d'écus et tendit la pièce à l'étranger. « À compte de 50 000 francs, c'est peu !» dit le mendiant du désert. Cette phrase dissipa toutes les incertitudes de Victorin. « Et le ciel a-t-il tenu ses promesses ? » dit l'avocat en fronçant le sourcil. « Le doute est une offense, mon fils, » répliqua le solitaire. « Si vous voulez ne payer qu'après les pompes funèbres accomplies, vous êtes dans votre droit, je reviendrai dans 8 jours. »« Les pompes funèbres ? » s'écria l'avocat en se levant. « On a marché, » dit le vieillard en se retirant. « Et les morts vont vite à Paris. » Quand Hulot, qui baissa la tête, voulut répondre, l'agile vieillard avait disparu. « Je n'y comprends pas un mot, » se dit Hulot fils à lui-même. « Mais dans 8 jours, je lui redemanderai mon père, si nous ne l'avons pas trouvé. Où Madame Nourrisson, oui, elle se nomme ainsi, prend-elle de pareils acteurs ?